Voici votre butin régional. À Istengues, souper spaghetti des pompiers le 18 avril. Le 18 et 19 avril, championnat Pro 3D intérieur 2015, organisé par les archers du repère à l'aréna Robert Fournier d'Istengues. Le 19 avril à 14h, au centre culturel de Whedon, on présente Pérou, l'Amazonie, les Andes et la côte, un film de Didier P.H. Martin. Brunch du printemps le 19 avril, au Bulwer Community Center, organisé par le musée d'Eaton Corner. Le comité culturel de Whedon nous informe que le prochain vernissage des œuvres de Chantal Julien se déroulera le dimanche 19 avril de 13h à 16h. Dans le cadre des activités de l'âge d'or de Chartierville, on organise un bingo le 19 avril à 12h40.